96.2, si vous venez de nous rejoindre, chante avec vous jusqu'à 17h pour votre émission Groove Tropical. Groove Tropical, la meilleure émission avec le meilleur du zouk, le meilleur du compas, chaque jeudi après-midi, hein, c'est comme ça que je vous accompagne. Alors très très bon après-midi en ma compagnie. On va continuer tout de suite avec une nouveauté. La demoiselle s'appelle Lila, je sais que vous la connaissez, et le titre est qu'elle vous interprète tout de suite, Faya. 15h, 17h, votre émission Groove Tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. Tu n'as pas le temps, fatigué quand c'est pour moi. Vu la nuit, mais dans le jour, il dit que c'est moi la folle. Tu dis que j'en fais trop, autour de moi, que tu brouilles. Alors ce que tu dis, est-ce que tu fais, pardonne-moi si c'est flou. Si tu dis que tu donnes, donnes, donnes, donnes. temps. A questionné, pourquoi qu'elle m'a fait vivre encore. C'est une micro inquiétude, moi. Pour pas bien, moi t'as prié. L'homme m'a donné encore. C'est qui pour des intrigues. Depuis mon train de vie, m'a fêté. Faut qu'on m'en protège. Obscurité, c'est pas facile pour me sentir comme ça. Feeling sa vérité là. L'air passé, mais sous moi me sentir réanime. C'est du lendemain. Mais c'est pas grave, nous mais c'est pas grave. L'amour de pire, le pape cassé. N'a que mes jours sont mon copé. Mais c'est pas grave. Faites-moi confiance, je vais même en suivre. On va blaguer, non. Vous venez nous serrer, vous embrasser. Je peux me cadasser, électrifier. Son sentiment qui reste bloqué. Il parle à bouillon et époque. Tout bagage, ça y est, on fait me sentir ça. Amen. Amen. Amen. question. C'est pas moi qui la cause. Les gouns de mal traitent. Va pas chez tout côté. Dans ces relations, sont pas prêts à accepter. Problème, c'est où il est. C'est pas moi qui la cause. Les gouns de maltraiter. Ou pas chez tout côté. Dans ces relations, ils sont pas prêts à accepter. Problème là, c'est où il est. On va défendre. De son tout dernier album No Stress, Monsieur Hardy La Rivière, le groupe New Look, avec ce titre, pas en vrai, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce titre, je sais pas pourquoi, sûrement aussi les paroles. En tout cas, sur le 96.2, bien la fête continue, hein, bien, naturellement, jusqu'à 17h. Avec tout de suite un duo, Jim Ramar, Oswald, avec Gouillet. Bon après-midi à vous tous sur le 96.2. C'est votre émission Groove Tropical. Yeah. la misma en el que huye. My love for you forever. Et j'ai envie de cache corps avec toi. Yeah. Oh, you know my love for you. My love for you is forever. Oh, na na na, I'm go. Oh, na na na, tu m'as tourné le dos. Oh, na na na, coupe I'm go. Tellement d'amour, chérie. Hey, moi pas découragé. C'est sur vous seul moi cliqué. Pour vous prêt pour me sacrifier. Tout ça vient sans posséder. Au ferme de ton amour, qui bat la vie mieux la cour. Pour ces bras lignes, moi dans tes coups. Moi pas bon parole vous dormi, vous déjà fait l'amour le jour. Joue comme moi en rail, joue comme moi en rail. Oh, moi vais la lampe à vie, moi vais avoir joue comme mourir. Tellement d'amour chérie. Hey, moi pas découragé, c'est sous vos ailes moi cliqué. Pour vous prêt pour me sacrifier, tout ça vient sans posséder. Au femme de ton amour, qui bat la vie mieux la cour. Où ses branches les miens, moi dans les coups. Hey, qu'est-ce que me paraît pour s'arriver. Maintenant, on a tiré pour la vie commencer. Je continue sans faire de bruit. Je prends mon envol, je tourne en fait. Mais elle reste fidèle à Lolo. Y'a quoi que son cœur. son chéri. Elle et moi c'est pour toute la vie. Elle reste fidèle à nous. C'est nanana. Il y a quoi que son cœur sous l'eau. Dans votre émission Groupe Tropical, extrait de leur tout dernier album, et c'était Nana. 96.2 jusqu'à 17h. Votre émission Groupe Tropical, c'est le meilleur du son qui nous vient de la Caraïbe. Tout de suite, le couple s'appelle Les Lovers, c'est à contresens avec DJ Ladji. Et tout de suite après, on écoutera les tubes du moment avec notamment Bad Woman, les femmes fatales avec Karine et Kennedy. Très très bon après-midi en ma compagnie. Qui m'avait toujours. On se conditionne à ne pas voir ce qui change au fil des jours. Je t'aimais si fort, au point d'y croire à tort. Et mon cœur parle à ma tête. Tout n'est qu'illusion, il faut que ça cesse. Et je voudrais te dire ce que tu veux, tout ce que j'ai pu lire au fond de tes yeux. Mais ce serait te mentir, car je sais que mon cœur ne parle plus pour te. À contre-sens, à contre-sens, à contre-sens. Cœur m'a changé chemin. À contre-sens, à contre-sens, à contre-sens. Prends-moi songer à demain. J'avais l'audace jouer un tour. Et on s'est laissé prendre au jeu. Avant de parler d'amour. Mais je n'ai plus les mêmes voeux. Mon cœur voudrait faire demi-tour. Mais je sais qu'il ne peut. Et je dois te laisser de ne pas souffrir à mon tour. J'aurais voulu t'offrir l'amour éternel. Car je sais qu'à tes yeux, je suis la plus belle. Je ne veux plus voir souffrir. Et pour ça, je me dois de te dire adieu. À contre-sens. À contre-sens. À contre-sens. Cœur m'a changé chemin. À contre-sens. À contre-sens. Comment songer à demain? À l'heure de se rendre à l'évidence, de mon bien au-delà de la confiance. Tu sais, mais je dois te laisser. Et ce tourment dans lequel la rancœur se met à la peine. Nos frères. Et je voudrais te dire ce que tu veux, tout ce que j'ai pu lire. Au fond de tes yeux, mon cœur ne bat plus pour deux. Je t'aimais, je t'aimerai, d'un amour que moi je le connais. Et ce mal que je m'apprête à combler, ça m'a pris du temps, mais c'est constamment que je fais de l'avant. Je t'aimais, je t'aimerai, tu crois qu'aucune autre ne le pourrait. Et quand la raison prend le relais, le cœur se tait. Je t'aime, et je t'aimerai. Je t'aime, je t'aime, et je t'aimerai. Je t'aime, je t'aime, et je t'aimerai. Mais je m'en vais. Du sale, sale, sale. Est-ce que c'est fini, c'est pas rembarré, mal, mal, mal. C'est moi qui choisis si je gère mes bye, bye, bye. Non, l'amour c'est un check, histoire de taille, taille, taille. J'ai besoin d'un homme qui prenne soin de moi, sans avoir peur d'exprimer ses sentiments. Si un jour se présentait sans rien, croyez-moi, pour cet homme-là, oh, ça va faire très, très mal. Ici, real girl, cowboy. Yo, lady, yo, lady, yo, lady, yo. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. C'est l'été, m'en fini qu'on pointe ni quatre saisons. Avion en posé, minou, t'es arrivé là. Ici, à terre en France, c'est la mère patrie. Oh, lui, 16 degrés, bon, j'ai café fouette. Nous, toute la douboute, au garde à vous. Nous, rivez dans la cité, nous. Fini les petits moments doudou. Faut que nous mettions comme nous la règle. Si nous valait tout, n'est fou, oui, fou. Est-ce que va te mentir, bon nous? Fais-nous quoi, c'était pays, nous. Mais en toute manière, nous font ça pas la pli pour ça mouiller, nous. Ah, yeah, la, la, lé. Yeah, lé, lé, la. Nous, ces gens-là, diaspora. Yon de dit tête grenée en la croix. Moi commence à comprendre ça qui t'est minorité. Parce que l'amitié pas ni couler. Nèg jaune blanc nous vivons en paix. Les outils bon l'homme. Ou bien plus d'hommes qui tout grand homme. Stan Smith marré en pied en nous. Nous a gagné nous tout français. Mais yo ça dit quand même. Mon y en tête nèg hexagonal. Ah, yeah, la, la. Ces gens la diaspora. Ah, yeah, la, la, lé. C'est bien où mon allou. Pays à tout genou. Mon ouais, maman, t'es lettriste le matin. Pas shooter l'ennui, tout pas t'es ni vaccin. Pour guérir la nostalgie du pays à où pas s'habiller. Où t'es tout le monde, vin, ish, manioc, nom, femme, paré, bouba, la vie à choc. Pays à tout bout en cœur, nous, cap en ballon pour la conquête. Yeah. fait qu'à passer. Ou qu'à garder moi comme si c'était première fois. Incroyable mais vrai, allez dis-moi encore. Pour moi c'est là que moi pas qu'à rêver, non. Oui, chose hein, qui vous fait lever hein, direct hein. C'est le tout dernier album d'Orlan, extrait de cet album, c'est le titre Ready, voilà, ça c'est vraiment le titre coup de cœur pour moi pour cet album. J'avais envie de vous faire un petit on va dire un petit hommage du comparé trop avec un petit hommage à, rendu à Gérard Daniel, le saxophoniste du groupe Jetix, qui était décédé qui est décédé en janvier 2018, c'est pas 6 mois, ça fait presque 2 ans. Je vous propose d'écouter ce remix, hein. Souvenir, souvenir. Pour chanter, pour chanter, pour nous remercier, mon Dieu. Oui, dit bagay la changé, il changé, il changé. Mais déjà ça arrivé, il arrivé. Allons comme pas marcher, il marché, il marché. Ça c'est qu'on va dire plat, thank you. Le soleil se lève, c'est ton visage qui me sourit. Et quand souffle le vent, c'est ta main qui me touche. Et puis j'entends ta voix qui me met tout bas à mon oreille. Et puis j'entends ta voix qui me dit tout bas, je t'aime. Pour ma maman, avec Sissette. Côté où les bouquins, la jambe maman. Oh, ah, yeah, yeah. Oh là, oh là là. Oh, ah, yeah, yeah. Oh là, oh là là. Oh, yeah, yeah. Oh là là. mal de femme, j'en fais contrer. Les bons n'en m'ont frappé, ça fait mal de femme, j'en fais contrer. Mariano, tu m'en vas à la bagaille brûlée. Mariano, tu m'en vas à la bagaille brûlée. Les bons n'en m'ont frappé, ça fait mal de femme, j'en fais contrer. Les bons n'en m'ont frappé, ça fait mal de femme, j'en fais contrer. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. C'est tout ça me posséder. Tu y as dit, je l'arrive à lui. Moi, je souhaitais qu'elle y a côté. Et si gros, il fait, il connaît, qu'elle vient chier. Elle est zéro chanson, qui peut jouer, c'est pour lui. Je souhaitais, capoté un peu de fuit. Lui c'est fanatique numéro 1. Il est toujours à psychoter. Même la jambe pour payer studio. Des fois c'est lui qui prend l'été. C'est la gamme modèle. Il danse, elle tendait. Moi qu'on est la reine. On dit que ça a tout cœur. Thank you. Mwen metem tou piti devan Tan kou yon peche Ki fini fè tout la priyèl Non mwen pa pèmete maje Devan fè yon boujwen Yon ti privilèj devan vous Fè l'amour Ou mèm san jò Vin pran plezi pou gade nou Mwen vle nèm touche Mwen se ti bel bagay Kèn ka fè Telman natirel Si ou pa te kriste Ça va normal chanje kon bay san separe Pou mwen men separe Mèv la la devan ma kontemple Pou gen yon kan, pou ke panfè Chak fwa ou souri Ti chéri Pou pa ma vivi Cependant, moi, j'ai envie de demander au fond de danser. Balancer tout petit. Après, si dans ça, nous arrivons plus loin. Gardez-nous, si chéri, la vie de nos murs. Ouais. Charisme. Suavemente, suave, suave, suavemente, suave. Oh baby, con sa suavemente, suave, suave, suavemente. Joy chale kon ka monte Malgré nou pa reme Aswe a gyon nou pa pti vase Kon jan nou sta Le mou nou pral ve ti fre Ou tou chéri Ou om la veli kon sa Suave mente Suave Suave mente Oh baby, con sa suavemente Suave Suave Suavemente Suave Jusqu'au bout, je sais que tout est flou et ça ne tiendra le coup. fait lire notre histoire. Te mettre à genoux, prouver ton amour et enfin y croire. À mon amour, je braverai les mers, ferai le tour du monde sans perdre une seconde. C'est mon tout sur le 96.2. Tout de suite dans votre émission Groupe Tropical, on va continuer avec oh là là, un petit retour en arrière. Figurez-vous qu'ils vont se retrouver, ils vont se réunir une nouvelle fois pour une série de concerts. C'est le groupe Sakiyo. Plusieurs titres, je sais que vous aimez beaucoup, mais moi je vous passe cet après-midi mon préféré, c'est Bisous Sucrés. Bisous sucrés, Tony Chasseur, Jean-Paul Pognon, Michel Alilo. De retour sur scène pour quelques concerts. Mais pas ici, malheureusement. Aux Antilles. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'elles ne vont pas se présenter sur une scène de la métropole. Eh bien si, l'erreur. Le 10 décembre prochain, elles seront au Cabaret Sauvage à Paris. Donc le retour de Sakio avec, bien entendu, Michel Alibaud, Marion Canon, Jean-Paul Poignant, Tony Chasseur, bien sûr, et Jean-Philippe Thorpe. Happy Avago aussi, sur le public. Et puis si vous aimez les choses un petit peu souvenirs, eh bien restez bien calés sur le 96.2 parce que je vous emmène avec le groupe Mind and Band et c'est Oupila, 15 minutes de bonheur. Arc-en-ciel, c'est du soleil, plein les oreilles. Alors aussi la présence de quelques autres personnalités dont le directeur de l'ONA. L'Office national d'assurance vieillesse, CS. N'oubliez pas que... Système, pardon. Oui, alors... Quitter que me tellement blessé, me devait faire méchanceté. Qu'on voit tu des ombriers, temps à peu passé, moi pas cablié. Connaissez le passé, même toujours à demander pour qui ça peut marcher. On fait me souffrir longtemps, à chaque fois me parler, on toujours dit, c'est pas vrai. Chaque fois que je rencontre, je fais comme si je ne pas aimer. Même si je ne peux pas crier, en dedans que je me déchire. Chaque fois que je rencontre, je fais comme si je ne pas aimer. Même si je ne peux pas crier, en dedans que je me déchire. Qu'on voit tu t'es embrouillé, t'en as fait passer, moi pas cablié. Allô, oui. Qu'on essaie de passer, même toujours attendre pour qu'ils aient pas de marcher. Pour faire souffrir longtemps, à chaque fois mon parle, je me dis que c'est pas vrai. Chaque fois que mon grand brillant, c'est comme si m'a aimé. Même si on pas prié, on est dans le cœur, ça me déchire. Chaque fois que mon grand c'est comme si on savait rien, même si on n'a pas prié, on est dans quelle m'a déchiré. Je n'en t'ai rien, mais personne n'a pas pensé qu'il y a un jour qu'à quitter. Mais là ça n'a pas marché, t'as vu de solution, l'obligé de se séparer. Souhaiter yon jour trouver yon l'autre garçon près, mais ouais, tu vas plus jamais quitter. Chéri, pas jamais, et même si pas de rap, le monde est toujours heureux. Chaque fois que moi rentre, fais comme si m'pas rien. Même si on pas prié, non, de dans le rêve à déchirer. Chaque fois que moi rentre, fais comme si m'pas besoin. Même si on pas prié, non, de dans le rêve à déchirer. Guitare moniteur, guitare moniteur. Nous chantons un chemin où souvent ce n'est pas retourné. Senti comme une baby et l'amour parfois pétitif. Nous chantons un chemin où souvent ce n'est pas retourné. Senti comme une baby et l'amour parfois pétitif. Y'a qu'un doubé ou notre doudou, et moi c'est où tous les jours. Les consacres sentiment les contrôler, moi sentir des boussonner. Oui, c'est où qui toujours guide moi. Libre moi le temps pour réaliser les bagages effacés. Nous chacun un chemin, oh, oh. Souffrance nous pas retourner. Sentir comme une féerie, et l'amour pas avec ici. Oh, nous chacun un chemin, pour souffrance nous pas retourner. Sentir comme une féerie, et l'amour pas avec ici. Moi pardonner, c'est Dieu chéri, l'amour pour vous m'a déjà fini. Tellement, bien souffrir, comme Caprio, pas Caprio. Franchement, nous n'avons rien ouais encore. Même si nous avons dit j'y d'avaler, doudou, l'absence m'a soulagé. 96.2 apparemment, vous aimez bien les séquences rétro quand même, hein, les séquences rétro compa. On y reviendra, vous inquiétez pas, la semaine prochaine. En tout cas, ça fait plaisir ces messages. Sur le 96.2, eh bien, il est bientôt l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve eh bien jeudi prochain, même heure, même endroit, 15h, 17h, votre émission Groove Tropical avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Très très bonne fin d'après-midi en compagnie de l'équipe d'Arc-en-Ciel. Et puis ben, je vous souhaite un très très bon week-end. Et à la semaine prochaine, bye bye. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles. Plein. matin, on vit manger un petit coco. Comme yon bon prix pour moi acheter. T'en prie, soufflez pas, coupez le coup. Pas femme, pas bon, pas remplir le corps. Un petit rappel, t'as fait moins bien. T'en prie, soufflez pas, coupez le coup. Je ne pas de et je ne pas de job. Si la tête a fait moins bien, parce que pour moi manger. Depuis quelques jours, on vit manger un coco. J'en ai une soif, la femme est à mon coco. Depuis quelques jours, on vit manger un coco. J'en ai une soif, la femme est à mon coco. Des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Come on!